Analyse du 4 juillet 2022, Thierry Pirlo, Sherpa One. Nessara Kessara. D'un auteur anonyme sur VK. Nessara et Kessara, pas de pauvreté, pas de faim, pas de dette, seulement la prospérité mondiale et la paix pour tous. Le Kessara. Global Economic Security and Recovery Act. En français, loi internationale ou globale sur la sécurité et la réforme de l'économie. Le Kessara a été voté pour être mis en œuvre par les 209 nations souveraines du monde, conformément à l'accord signé à Paris en 2015 sur le changement climatique, en commençant par la République restaurée des États-Unis. Cette loi est connue sous le nom de NESARA, National Economic Security and Recovery Act, loi nationale sur la réforme et la sécurité de l'économie. NESARA. Il annule toutes les cartes de crédit, hypothèques et autres dettes bancaires en raison d'activités bancaires et gouvernementales illégales. Beaucoup se réfèrent à cela comme un jubilé ou une remise complète de la dette. Il abolit l'impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. Il crée un taux forfaitaire de 17% pour les nouveaux articles non essentiels. En d'autres termes, la nourriture et les médicaments ne seront pas taxés, pas plus que les objets usagés, tels que les vieilles maisons. Il abolit l'IRS, Internal Revenue Service, et les employés de l'IRS, Service des recettes internes, seront transférés dans le domaine de la taxe de vente nationale du Trésor américain. Il restaure la loi constitutionnelle dans tous les tribunaux et les affaires juridiques de la République des États-Unis. Il recycle tous les juges et avocats en droit constitutionnel. Il retire tous les agents de la cabale noire, les responsables administratifs, et tous les membres du Congrès américain de leur poste en raison de leurs actions inconstitutionnelles continues. Kessara affectera la République et aussi le reste du monde, soit un total de toutes les nations souveraines. Le nouveau système financier fait partie de la loi Kessara. Le FMI, Fonds monétaire international, annoncera le système monétaire mondial de l'étalon or une fois que Kessara sera annoncé. Toutes les monnaies fiduciaires restantes seront encaissées contre une monnaie étalon or. Le papier monnaie finira par disparaître et toutes les monnaies seront numériques dans le nouveau système financier, avec l'élimination de la dette nationale de chaque nation sur Terre. Les impôts seront ajustés pour être au plus bas pour les citoyens et pour les entreprises. Le nouveau système financier est en ligne depuis des mois. Il est hébergé sur un serveur quantique protégé qui ne peut être ni piraté ni accessible sans autorisation. Le coût de l'énergie chutera considérablement grâce à l'énergie gratuite et aux nouvelles technologies. L'avenir sera incroyable, complet. Nos vies vont énormément évoluer. Les technologies supprimées qui sont diffusées remontent à 70 ans ou plus. L'une d'elles nettoiera facilement notre planète. Un nouveau système médical sera le véritable système de soins de santé, avec la capacité de faire repousser des membres ou des organes ou de réduire notre âge de 30 ans. Quand il y aura de l'énergie gratuite, des transports et des réplicateurs distribués à tous, nous deviendrons égaux. Personne ne sera asservi. Les gens feront ce qu'ils veulent, auront du temps libre, du temps pour réfléchir et être créatifs. Pas besoin de thésauriser quoi que ce soit. Les gens vivront dans le moment présent, cultivant leur propre nourriture et la nourriture des autres. Beaucoup de gens vont réellement apprécier leur travail, car ils expérimentent que ce dernier donne un sens, un but, une autre façon de servir. Ceux qui n'occupent pas d'emploi trouveront d'autres moyens de vivre le bonheur et de contribuer au bien commun. Alors que le temps approche pour un grand changement dans notre société, il est temps de transformer la douleur et la souffrance des expériences passées en joie, paix et prospérité. Un nouveau jour se lève, qui apportera une époque bienveillante et respectueuse pour l'humanité. La planète Terre et l'humanité connaissent le grand changement de conscience, également connu sous le nom d'ascension, ou de grand réveil dans la conscience d'unité. La Terre-Mère redevient une planète sacrée et emmène toute la population humaine avec elle, pour quiconque veut y aller. C'est un âge d'or au-delà de nos imaginations les plus folles. Nézara Gezara devait déjà être ratifiée le 11 septembre 2001 dans l'une des deux tours. On connaît la suite et surtout les 20 années de ténèbres qui ont suivi. La fin est proche et le début d'une autre société plus égalitaire et plus humaine s'en vient. Cher Pawan,